pas d'inverse ça va faire dans la vie. On nèg, pas qu'un nèg, s'il pas qu'un ménage li derrière. So, campé derrière ça m'a dit. Et puis that's it. Nèg la caille. C'est pas facile d'aller. La vie que je mets dans la tienne. Tristesse sur notre palier. Ce manque de nous, nos querelles. J'oublie pas que c'est grâce à toi que j'ai repris une vie saine. Il faut que tu saches tout ce que je fais. C'est pour nous, c'est pour qu'elle. Bébé, ça passait. J'ai l'impression de te faire perdre. Je vais en poids, je dis.